Simple prolétaire dans une Allemagne de misère, pays gangréné, le marxisme et son cancer. C'est le règne des utopiques, doctrine égalitaire, de l'abject reniement, sang et de la terre. Changer, mais tu es trahi, te voilà enfermé.